3. Herminie. Il n'y a point de douleur éternelle. Celle de Maurice, qui n'avait en définitive d'autre cause qu'une expérience manquée et facile à renouveler, devait l'être moins que tout autre. Au bout de 15 jours, il se laissa conduire à une soirée artistique et littéraire. Cette soirée, donnée par Madame d'Hauterive, une des femmes les plus à la mode de Paris, devait réunir les 30 ou 40 muses qui faisaient l'honneur et la gloire du beau sexe parisien. « À la bonne heure, se disait Maurice. Voilà le monde d'élite où il me faut poursuivre ma recherche. À quoi diable avais-je pensé d'aller m'égarer dans celui des grisettes ?» La soirée commença, solennelle, comme une séance d'académie. La poésie eut les honneurs du pas. Quelques mécontentes prétendirent que c'était une manière de la traiter en levée de rideau. Afin de contenter tout le monde, on convint de couper la poésie en deux. À une moitié les désagréments du début, à l'autre les avantages de la clôture. Les 2 ou 3 premières muses passèrent sans que Maurice éprouvât aucun autre sentiment que celui du respect. La plus jeune approchait de la 50aine, mais quel changement à la vue d'une 4e dont les traits enfantins n'accusaient même pas les 22 ans qu'elle pouvait avoir. Celle-ci, au dire de quelques voisins que Maurice accabla de questions, s'appelait Madame Herminie Germancet. Elle était veuve depuis 18 mois. Il ne lui restait d'autre consolation qu'un enfant, un amour de 3 ans. D'autres fortunes que sa lyre, qui lui procuraient, y compris les encouragements ministériels, de quoi vivre assez convenablement. Herminie séduisait tout d'abord par une physionomie d'un ensemble harmonieux. À ce premier moyen de séduction se joignait bientôt le charme peut-être encore plus puissant d'une voix dont les douces inflexions allaient remuer jusqu'aux fibres les plus secrètes du cœur. Tout le temps que dura sa lecture, Maurice n'eut d'oreille et d'yeux que pour elle. La lecture finie, il éprouva un vif sentiment de regret. Et bien que le morceau se composât d'une 20aine de stances à la mémoire d'un époux adoré, il lui parut que c'était trop peu pour le mari d'une muse ayant une bouche si jolie et un son de voix si suave. Le tour de la musique arriva. Le salon prit un air de fête plus brillant et plus animé. Tout à coup, les dames se mirent à chuchoter entre elles, comme si elles s'annonçaient une grande nouvelle. Les hommes tournèrent en même temps vers la porte des regards où se manifestaient le désir et l'impatience. Il s'agissait en effet d'un grand événement. On attendait la belle, la divine cantatrice, Madame Valdemar. Madame Valdemar daignait faire une apparition dans le salon de Madame d'Hauterive, faveur qui lui était arrivée de ne point octroyer au palais des rois. L'entrée de l'illustre artiste fut un véritable triomphe. Il n'y eut plus de regard que pour elle, d'empressement qu'autour d'elle. Elle devint le centre de toutes les adorations. Majestueuse comme une reine, elle marcha lentement vers le piano, appuyant sa main sur le bras d'un monsieur qui courbait le dos, accablé probablement sous le poids de tant d'honneur. Alors, au milieu d'un silence religieux, elle fit entendre un morceau hérissé de difficultés, qui semblait être un jeu pour sa voix si pure et si flexible. On ne saurait se figurer tout ce que ce morceau, rendu, il est vrai, avec une incontestable supériorité, provoqua de bravades, de divas, d'exclamations admiratives de toutes sortes, et même de pâmoisons. Ce fut à la fin un tonnerre d'applaudissements frénétiques. L'enthousiasme de Boris ne demeura pas en arrière de celui des autres auditeurs. L'astre d'Herminie venait d'être éclipsé par un astre encore plus resplendissant. Maurice manifesta même son admiration avec tant de chaleur et d'entraînement que cela fit sourire un petit monsieur placé près de lui, à moitié caché dans le coin de la cheminée, et qui, au grand scandale de quelques-uns, avait paru jusqu'alors prêter aussi peu d'attention au talent qu'au succès de la cantatrice. Le sourire de ce voisin indifférent piqua Maurice. Apparemment, monsieur est privé du bonheur d'être sensible au charme d'une belle musique. Non, monsieur. C'est donc au mérite de l'exécution que monsieur refuse son suffrage. J'ai trouvé, comme vous, que cet air était admirable, et qu'il était chanté plus admirablement encore. Je ne l'aurais pas cru. Dans ce moment, Madame Valdemar, pour regagner sa place, passait près de Maurice, répondant aux louanges exagérées de chacun par des phrases d'une modestie non moins exagérée. L'inspiration brillait encore dans ce regard. Elle était vraiment belle. Maurice se serait volontiers agenouillé pour baiser le bas de sa robe. « Mon Dieu !» s'écria-t-il involontairement. « Quel bonheur d'être le mari d'une pareille femme !»« Vous croyez ?» fit en réponse à cette exclamation le voisin, dont le sourire impertinent l'avait déjà si fort scandalisé. « En quoi voir la femme qu'on aime rechercher partout ?» Partout fêtée, admirée, encensée, n'est-ce pas le bonheur le plus délectable? N'est-ce pas la plus vive des jouissances? Nouveau sourire du voisin. tout aussi impertinent que le premier. Et pendant que notre muse triomphe, que tous les regards appellent son regard, que chacun de ses sourires a le pouvoir de faire un heureux, trouvez-vous que ce soit une bien douce satisfaction pour le mari de rester confondu dans la foule ou inaperçu dans un coin du salon, et d'avoir durant de longues heures le loisir de remarquer qu'elle fait attention à tous, que tous font attention à elle, et qu'il n'attire lui l'attention ni d'elle, ni d'aucune autre personne. Maurice cherchait une réplique. Le voisin ne lui en laissa pas le temps. Heureux le mari de cette femme. Mais le connaissez-vous seulement? Qui le connaît dans le monde? Qui s'inquiète de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense? On se fait un titre d'être admis chez Madame Valdemar. On a dîné, on a dansé, on a chanté chez Madame Valdemar. De Monsieur Valdemar, jamais un mot. Qui pourrait dire même s'il est vivant ou s'il est mort? Maurice venait de trouver un argument. Il se hâta de le produire. Convenez du moins que la somme de félicité dont il jouit dans le recueillement de la vie intérieure l'indemnise amplement de tous ses petits désappointements de l'amour-propre. Ah, sans doute. D'abord, aussitôt levée, Madame se lance dans une interminable série des plus fantastiques vocalises, ce qui ne laisse pas au reste d'être fort agréable aux oreilles qui affectionnent ce genre d'exercice. C'est l'étude, et l'étude opiniâtre qui conduit à la célébrité. Madame entre ensuite en conférence avec sa couturière. On avait hier une robe rose. Celle d'aujourd'hui sera bleue, celle de demain sera blanche. Il serait aussi insipide de se montrer tous les soirs avec la même robe que de chanter toujours le même morceau. Enfin, madame fait sa toilette et monte en voiture. Dans une journée si bien employée, faites-moi le plaisir de compter ce qu'il est resté de moments disponibles en faveur du mari. Pendant que Maurice se livrait mentalement à ce calcul, le voisin continua. « Mon cher monsieur, une femme célèbre, peintre, écrivain, musicien, etc., est une actrice qui appartient au public. Elle passe une moitié de sa vie à jouer son rôle et l'autre moitié à l'étudier. Quant à son mari, à moins qu'il n'ait lui-même un talent quelconque, comme artiste ou comme écrivain, une réputation, en un mot, une valeur personnelle, ce qui se voit parfois, eh bien, il est relégué dans la coulisse et n'a d'autre privilège que celui de jeter le châle sur les épaules de madame lorsqu'elle rentre dans la vie privée. Heureux donc, comme vous disiez, le mari d'une pareille femme. » Le voisin n'avait pas fini que madame Valdemar s'approchait de lui presque à la dérobée. « Monsieur Valdemar, lui dit-elle, je suis fatiguée. Partons, veuillez aller chercher mon manteau. » Monsieur Valdemar, avant de s'éclipser, adressa un troisième sourire à Maurice, stupéfait, qui n'eut pas cette fois le courage de s'en formaliser. « Après tout, pensa-t-il, monsieur Valdemar n'étant pas mort, je n'ai point à délibérer, si je dois ou non m'immoler sur l'autel d'une cantatrice. » Et ses yeux cherchèrent de nouveau dans la foule le charmant auteur des 20 stances à la mémoire d'un époux adoré. Herminie, cédant au vœu général de 2 ou 3 assistants de ses amis, se levait au même instant pour lire une seconde pièce de vers, encore des stances. Herminie était pour le moment poète lyrique, et se piquait de fusionner agréablement les 2 écoles de Lamartine et de Victor Hugo. Elle avait, l'année précédente, cultivé l'élégante idylle à la façon de Madame Deshoulières. Mais jugeant qu'elle avait fait suffisante provision de lauriers sur les hauteurs du Parnasse, elle se préparait, disaient les intimes, à descendre, l'année d'ensuite, dans les humbles vallées de la prose. Et le roman par lequel elle devait débuter ne pouvait manquer de produire dans le monde une profonde sensation. Les stances d'Herminie n'avaient point cette fois l'époux adoré pour sujet, mais elle chantait les joues roses, les yeux bleus, les cheveux blonds, la robe de gaze blanche et la ceinture en ruban vert de l'ange adorable destiné à perpétuer le nom et les vertus de feu son père, l'époux adoré. Ce chef-d'œuvre du genre gracieux, sentimental et descriptif ne fut point, il faut l'avouer, aussi bruyamment accueilli que l'avaient été les fioritures de Madame Valdemar. Cependant, quelques murmures flatteurs coururent çà et là parmi les hommes, et 5 ou 6 dames, des mères sans doute, portèrent très visiblement leurs mouchoirs à leurs yeux. Maurice, doucement ému, se mit à faire des réflexions qui lui parurent très concluantes. Herminie avait dû être le modèle des épouses. Elle devait être le modèle des mères. Ses stances étaient là pour en témoigner. Les succès d'Herminie, plus modestes que ceux de Madame de Valdemar, n'avaient rien de trop écrasant pour un mari. Herminie était veuve. Mais quelle jolie veuve! Et combien de jeunes filles sont loin de valoir une jolie veuve de 22 ans? Herminie était mère, mais de quel enfant? Et comme il serait facile de prendre les sentiments d'un père pour un chérubin en robe blanche, ayant des cheveux blonds, des yeux bleus, des joues roses et une ceinture verte. Une plus longue recherche devenait inutile. Herminie était décidément la femme qui convenait à Maurice. Quelques personnes s'étaient approchées d'Herminie et lui adressaient directement leurs félicitations. Boris fit de même. C'était un moyen tout naturel de se présenter. « Ah, madame, lui dit-il, on voudrait avoir été l'époux que vous regrettez dans de si beaux vers. On voudrait être l'enfant que vous bercez avec de si douces chansons. » Le compliment était prétentieux. Maurice subissait l'influence du milieu dans lequel il se trouvait. « Deux anges, en effet, monsieur, répondit Herminie, en levant sur Maurice des yeux noirs, fort expressifs, l'ange du passé et l'ange de l'avenir. » Cette phrase en était peut-être à sa 20e édition. Maurice, qui l'entendait pour la première fois, la trouva ravissante. « Il n'y a, se disait-il, qu'une chose à craindre avec une femme d'un esprit aussi distingué, c'est de ne pouvoir se tenir toujours à la hauteur de sa conversation. » Maurice n'eut garde à partir de ce jour de manquer une seule des soirées littéraires et artistiques données par les 30 ou 40 muses, à tour de rôle et dans leur intérêt réciproque. Dans toutes, il rencontra Herminie avec le même visage enfantin, les mêmes yeux noirs expressifs et les mêmes stances aux deux anges du passé et de l'avenir. N'avait-elle donc que ces stances-là dans son portefeuille? Eh mon Dieu, si elle ne se laissait pas de les dire, c'est que probablement le public ne se lassait pas de les entendre. Et d'ailleurs, quoi d'étonnant à ce qu'une ode ait sa 100e lecture comme une pièce de théâtre sa 100e représentation? Seulement, c'était gênant pour Maurice, qui n'avait pas le même prétexte pour répéter autant de fois sa jolie phrase du premier jour. « Ah, madame, on voudrait avoir été l'époux, etc. » Il fallait trouver sur cet invariable fond une nouvelle forme pour chaque circonstance, ce qui mettait parfois l'esprit de Maurice à la torture. Mais, ingénieuse ou stupide, la louange sonne toujours agréablement à l'oreille de la personne qui en est l'objet. Herminie, d'ailleurs, avait été frappée de la constance de Maurice à la suivre, à l'écouter, à l'applaudir, et à se rapprocher d'elle partout où elle se trouvait. Aussi ne manquait-elle jamais de saluer sa présence et de répondre à ses éloges par le plus gracieux de ses sourires. Bientôt, le sourire lui parut une mesquine récompense d'une admiration si assidue. Elle tendit familièrement la main à Maurice, à la façon anglaise. Elle lui permit de s'asseoir auprès d'elle toute une soirée. Elle reçut, en rougissant de plaisir, ses protestations d'un dévouement à toute épreuve. Une fois même, Maurice, ayant eu l'audace en se baissant, d'effleurer de sa bouche la main d'Herminie, avait cru sentir que cette main répondait à la pression de ses lèvres. Il était dans le ravissement. Vers le milieu de la soirée où s'était produit ce dernier incident, il y eut dans l'auditoire une espèce de rumeur. Une toute petite brochure, apportée on ne sait par qui, circulait de main en main. Cette brochure contenait un certain nombre d'articles biographiques ayant chacun pour sujet une femme artiste ou une femme auteur. De quelle plume sortaient ces articles? On l'ignorait, le rédacteur n'ayant point jugé à propos d'y mettre son nom. Tout ce qu'on pouvait dire de lui, c'était qu'à beaucoup d'esprit, il joignait fort peu de charité chrétienne. Parmi ses biographies, il en était une surtout qui paraissait fixer l'attention générale. On riait en la lisant, on tournait sournoisement les yeux du côté d'Herminie, et l'on s'empressait de passer à son voisin la brochure toujours ouverte à la même page. Herminie attendit quelque temps avec patience, mais remarquant que le livre circulait partout, excepté dans son voisinage, elle ne put s'empêcher de témoigner assez vivement le désir de connaître à son tour une production qui causait tant de rumeurs. Maurice ne se le fit point répéter. Il s'élança au milieu de la foule, s'empara de la brochure et revint déposer sur les genoux d'Herminie sa précieuse conquête, sur laquelle il ne lui vint même pas à l'esprit de jeter un regard de précaution. À peine les yeux d'Herminie eurent-ils dévoré les premières lignes qu'une effrayante expression de colère vint contracter les traits de son enfantin visage. Mais ce ne fut qu'un éclair. « Cela doit venir de quelque pauvre diable qui a faim, et que j'aurais eu le malheur de rebuter, dit-elle, en reprenant bien vite son calme et doux sourire. Il y a tant de misère autour de nous, et nous ne pouvons tendre la main à toutes, lisez, ajouta-t-elle en rendant la brochure à Maurice. L'article tant couru n'était rien moins qu'une biographie de Madame Herminie Chermancey. Ayant pour épigraphe ce vers d'une épigramme bien connue, elle fait son visage et ne fait point ses vers. » L'œuvre répondait parfaitement à l'épigraphe. « Quelle indignité !» s'écria Maurice. « Et le misérable n'a pas signé. Est-ce qu'on signe des calomnies ?»« Vous avez raison. Il n'y a qu'un calomniateur qui puisse être assez lâche pour s'abriter sous le voile de l'anonyme. Mais croyez qu'il sera bien fin s'il parvient à se dérober à ma poursuite. Que prétendez-vous faire, mon ami ?» Herminie appuya sur ces deux derniers mots avec une expression toute particulière. « Je prétends, par Dieu, infliger à l'auteur de ce pamphlet une leçon qui lui fera comprendre la nécessité de tremper à l'avenir sa plume dans une encre un peu moins bourbeuse. » Et moi, je ne souffrirai pas que les jours d'un homme de bien soient exposés pour châtier un vaurien qui m'insulte. » Herminie prononça ces paroles d'un ton qui pouvait leur donner le sens suivant. « L'occasion est, ma foi, trop belle pour que je la laisse échapper. Une affaire à mon sujet donnera un cachet merveilleux à ma réputation. Monsieur, je trouve que ma jeune amie a raison. Le silence est la meilleure réponse à de pareilles attaques. Elle a, pour la défendre, son talent et sa conduite. Les éclaboussures parties de ce livre n'atteindront même pas le bas de sa robe. » La personne qui parlait ainsi était une femme de lettres d'environ 60 ans, la plus sincère, disait-elle, des amies d'Herminie, dont il lui arrivait presque tous les jours d'admirer l'esprit, le cœur et le dîner qu'elle partageait. Cette amie sincère, qui se félicitait de n'avoir jamais senti battre son cœur pour un scélérat d'homme, s'appelait Mademoiselle Verdelet. Elle avait une épaule plus haute que l'autre et des yeux imperceptibles. Maurice, on le pense bien, ne se rendit point aux raisons de Mademoiselle Verdelet. Plus on essaya de le contenir, et plus il manifesta d'enthousiasme et d'impatience. Herminie, le voyant suffisamment enflammé, n'insista plus, et, s'autorisant de la reconnaissance qu'elle consentait à lui devoir, elle le prévint gracieusement qu'elle l'attendrait le surlendemain pour dîner. Cette faveur inespérée mit le comble à l'ardeur de Maurice. Ce n'est dans son intérieur, pensait-il, qu'on peut sainement apprécier une femme, et les portes du sanctuaire allaient enfin s'ouvrir devant lui. Belle épreuve en effet, et à laquelle on a bien raison de se fier, que l'aspect d'un intérieur dont la toilette vient d'être faite en même temps que celle de la femme qui vous attend. Cependant, quel moyen emploiera Maurice pour découvrir l'auteur de la brochure? Il y rêve toute la nuit, car il ne veut pas qu'on puisse traiter de vaine fanfaronnade l'engagement qu'il a pris. Tout à coup, il songe que si le nom de l'auteur manque au livre, il y trouvera du moins celui de l'imprimeur. Mais si l'imprimeur est un homme discret, d'utiliser de menaces et même de violences, il saura bien venir à bout de la discrétion la plus obstinée. Un heureux hasard dispense Maurice de recourir à des voies rigoureuses. L'imprimerie d'où est sortie la brochure va être mise en vente. Maurice se présente comme acquéreur et demande à visiter l'établissement en détail. Il jouera de malheur si, dans le cours de cette visite, une question glissée entre mille, au metteur en page, un papier traînant sur quelques tables, un indice quelconque, enfin, ne le mette point sur la trace de ce qu'il cherche. Son calcul ne l'a pas complètement trompé. Au bout d'une heure, il quitte l'imprimerie à demi triomphant. S'il n'a pas encore le nom, il a un moyen d'arriver à le connaître. En tout cas, Herminie ne pourra douter de son zèle à la vue du trophée dont il s'est emparé. Aussi va-t-il s'empresser d'aller lui en faire hommage. Il n'a reçu, il est vrai, que pour le jour suivant, l'invitation qui lui ouvre l'entrée de la maison. Mais le dévouement n'admet point de délai. Et la bonne nouvelle qu'il apporte lui servira d'excuse. Maurice vole donc plutôt qu'il ne court à la maison où demeure Herminie. Le portier lui indique le 5e étage. D'un air de mauvaise humeur auquel il ne prend pas garde. Notre amoureux, en mettant le pied sur la première marche de l'escalier, sent battre son cœur. Il rimerait, s'il était poète, de ravissants madrigaux avec toutes les pensées qui lui viennent à l'esprit. Au bas du 5e étage, il est brusquement tiré de sa rêverie par quelque chose qui vient rouler entre ses jambes, en poussant des cris effroyables. L'objet qui a fait trébucher Maurice est un enfant dont on ne saurait dire s'il est beau, s'il est laid, tant ses traits sont enfouis sous un masque épais de charbon et de poussière. Le désordre de ses cheveux atteste qu'ils n'ont pas été démêlés de 8 jours. Un vieux sarrau de toile, mal rapiécé, flotte autour de son corps. Ses pieds nagent dans des souliers éculés, noués avec une ficelle. Ses jambes et ses bras nus sont d'une nuance bistre, qui n'indique pas un fréquent contact avec l'eau. Une porte s'ouvre au cri de l'enfant. Une vieille domestique, au visage hargneux, paraît en criant d'une voix aigre « Encore le monstre qui fait des siennes !» Puis, descendant quelques marches, elle saisit le monstre par le bras et le fait rentrer d'une façon assez brutale, sans tenir compte de l'énorme bosse au front que lui a valu sa chute. « Auriez-vous la bonté de m'indiquer la porte de Madame Herminie Germancet ?»« C'est ici, » répond la mégère. « Ici, » répète Maurice en ouvrant de grands yeux, « mais l'enfant que je viens de relever. » Et le fils de madame, un fier garnement pour son âge, et sur qui il faudrait toujours avoir les yeux, comme si l'on n'avait que ça en tête. Maurice n'est pas bien sûr d'être éveillé. Quoi? C'est le chérubin des stances d'Herminie? C'est l'ange de l'avenir qu'à peine il a osé toucher du bout des doigts pour le remettre sur ses jambes? Hélas, la tombe de l'ange du passé sera-t-elle aussi peu décorée de fleurs que l'ange de l'avenir, laid de robe blanche et de ceinture verte? Si monsieur veut parler à madame, il la trouvera au bout de ce couloir, dans son cabinet, où elle est en train de composer avec une amie. Maurice s'engage dans le couloir indiqué par la vieille. Mais au lieu de frapper à la porte du cabinet, il y applique l'oreille un instant, curieux de surprendre Herminie dans un moment d'inspiration. Il arrivait à propos, la voix bien aimée se faisait justement entendre. « Échinez-vous donc, disait-elle, à faire des odes, à 3 sous le verre, pour n'être point payé par-dessus le marché. » Maurice est sur le point de se trahir par une exclamation de surprise peu admirative. Il trouve probablement que le prosaïsme de la pensée n'est pas suffisamment racheté par l'élégance de la forme. Appréhendant que cette première phrase ne soit suivie d'une seconde dans le même goût, il se hâte de frapper et d'ouvrir la porte. Ce n'est plus seulement de la surprise que Maurice éprouve, c'est de la stupéfaction. La toilette du cabinet d'Herminie est peut-être encore plus négligée que celle du chérubin de tout à l'heure, et rien ne se rapproche plus de la toilette de ce cabinet que la toilette d'Herminie elle-même. Étendue sur un vieux divan dont la housse n'a plus de couleur, enveloppée dans une robe de chambre éraillée et tachée d'encre, coiffée d'un foulard d'où s'échappent en sens divers quelques mèches rebelles, notre muse fait le compte de sa recette du mois et fume une cigarette en compagnie de sa sincère amie, Mademoiselle Verdelet. La tête de Méduse ne l'eût pas plus terrifiée que l'apparition de Maurice. « Je ne vous attendais pas aujourd'hui, dit-elle en jetant au loin sa cigarette et en essayant de ramener ses cheveux sous son foulard. » Puis, comprenant que le parti le plus sage est de faire contre fortune bon cœur, « C'est égal, ajoute-t-elle avec un sourire un peu forcé. « Je vous sais gré de cette aimable surprise. « Je ne me serais point permis une pareille indiscrétion, madame, balbutie Maurice tout déconcerté, si je ne m'étais fait un devoir et un plaisir de vous communiquer promptement le résultat de mes recherches. » Mademoiselle Verdelet, dont les joues se sont nuancées d'un rouge assez vif, se lève aussitôt comme pour prendre congé. « Restez donc, ma bonne, » dit Herminie en la forçant de se rasseoir. Et se retournant vers Maurice, « M'apporteriez-vous déjà le nom de mon indigne biographe ? À défaut de son nom, j'ai du moins à vous livrer une page de son écriture. Voici justement un feuillet sur lequel vous retrouverez le début de la biographie en question. Peut-être avec cet indice ?» Herminie s'empara du feuillet. « Donnez, je connais tant d'écritures. » Mais à peine a-t-elle abaissé son regard sur le papier, que le relevant aussitôt pour en foudroyer Mademoiselle Verdelet. « Voilà qui passe toute croyance, s'écrie-t-elle. C'est votre main qui a tracé ce tissu d'infamie. » Mademoiselle Verdelet, comme tous les fourbes démasqués, se redresse autant qu'elle peut et paye l'audace. « Eh bien, après, une femme que je nourris de mes aumônes. » « Qu'est-ce à dire aumône ? » ?»« C'est le bien maigre salaire des corrections sans nombre qu'il me faut faire à vos informes productions. »« Vous êtes une impertinente, et vous un jet paré de plumes du pan. » Nous n'écrirons point la suite de cette scène, que Molière seul eût osé reproduire pour faire pendant à la dispute de Trissotin et de Vadius. Maurice avait jugé à propos de s'esquiver, emportant des femmes auteurs, une fort médiocre estime. C'était un tort. Il eût dû s'en prendre au hasard qu'il l'avait mal servi. Grâce au ciel, toutes les femmes auteurs ne sont point taillées sur de si tristes modèles. Et nous reconnaissons au contraire que les Verdelet et les Herminie sont des exceptions. Maurice, en entrant chez sa mère, trouva dans le salon Blanche fort occupée à écrire. À la vue de son cousin, elle serra vivement un papier. « Que faisiez-vous donc là, ma cousine ?»« Rien, Maurice, rien. Vous rugissez. C'est que, après tout, je n'ai point commis de crime. Je ne vois pas pourquoi je vous cacherais la vérité. Depuis quelque temps, Maurice, je vous entends parler de la poésie, et surtout des femmes, qui la cultivent, avec un tel enthousiasme que cela m'a entraîné. Oh, mon Dieu, oui, je me suis dit, pourquoi ne ferais-je point des vers, moi aussi ?»« Vous, Blanche ?» Et j'étais en train d'essayer. « Gardez-vous de continuer, s'écria Maurice. Déchirez, anéantissez vos essais. Le ciel vous préserve d'un pareil travers. » Blanche suivit d'un regard étonné son cousin, qui s'éloignait, et déchirant le papier auquel elle avait confié ses premières inspirations, elle en jeta les morceaux au vent.